Ah. Salut Rémi, j'espère que ça va pour toi. Et salut. Salut. Salut, c'est Rémi. Bon bah c'est cool hein. Il va être 21h puis on sera prêt, je pense. En fait, il faut que je transfère 18 gigas pour libérer de la place sur mon disque dur, pour libérer de la fausse mémoire pour le logiciel de son. Je pense que ça va aller. Ah, c'est moi, faut que je ferme. Bah là j'entends quasiment plus de crépitement, c'est très bizarre. Non, c'est... Victor, you are clipping, quoi? Hein? T'es trop fort, je crois, c'est ça? Ah, pardon. Je comprends pas ce que ça veut dire. You are clipping. Je sais pas, c'est un message automatique que ça met parfois. C'est bizarre. Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Je crois que c'est quand ça sature que ça fait ça. Ah bah là j'ai vachement moins de latence là. D'accord. Alors. Comment t'as fait? D'avoir le micro même. Bah je transfère 20 gigas de ça devrait marcher. Et je crois que c'est ça. Bon. Désolé, c'est moi qui fais des larcènes. Salut. Place. Salut Rémi. Salut. Salut Rémi. Yo. Salut. C'est en haut là, 0,4 dB machin. Du coup, je l'ai bougé. Et là, je l'ai remis. Et du coup, j'ai plus de latence. Et vous m'entendez quoi? Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais. Ok, cool, merci. C'est dingue. C'est le truc pour le volume, normalement. Le truc en haut, là, si ça marche, c'est super. Il y a deux réglages, là, qui, je sais pas trop c'est quoi. C'est pas master, c'est pas métronome, c'est au-dessous de new channel. Le truc en haut, et ben, ce truc, je l'avais bougé, en fait, il fallait pas. Ouais. Et par contre, c'est normal qu'on ait des grosses réverbes sur la voix. Ok. Non, c'est moi. C'est parce que quand, dès que je mets mon micro, comme j'ai des enceintes, ça fait ça. Mais quand je le bouge, ça s'arrête. Donc j'ai trouvé un moyen pour que ça s'arrête. Okay. Très bien. Non, c'est chouette. En tout cas, ça marche. Il va être 21h. Salut. Non, je crois. Parfait. Attends, vas-y, essaie de répondre du tac au tac là. Salut Georges. Oui, ça va bien. Oh, trop fort. Philippe. Oh putain, pardon. Salut. Je le fais pas bien. J'ai pas de boîte à rythme. Oh merde! Je recrépite. Pardon. Georges crépite. Tu peux pas parler, c'est horrible. Rémi il en a, puis moi j'en ai, donc je sais pas. On pourra mettre du rythme s'il y a besoin. Là, apparemment, le métronome, il est calé à 110. On peut le couper et on peut mettre autre chose, en fait. Super. Ok. Je vais essayer de brancher. Oui, moi, je l'écoute pas. Je vais jouer de la batterie sur mon synthé pendant toute la soirée. Waouh! Oh putain, trop bien! Super, très bien. Je cherche mon casque. Comme ça, ça s'arrêtera l'écho infernal. C'est cool. Ouais, j'entends, c'est chiant. Super. Je vais couper mon micro, je pense. Super radio. Faut que j'attende encore 1 minute 20. Qui c'est qui joue de la guitare? C'est trop beau. C'est vrai. Il y a André. Hi. C'est quelqu'un qu'on connaît pas. Test à. Là j'ai plus de crépitement. Oh bah la vache. C'est trop horrible, j'arrive pas à trouver mon casque. Je suis en train d'être complètement désespéré. J'ai pas le bon harmonica pour aller avec ta tonalité, pas mal la guitare. Est-ce que... Non, c'est catastrophique. Moi j'ai en mi, en sol et en... Je sais pas quoi.